Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour cette heure consacrée au 9e art, consacrée donc à la bande dessinée. Peut-être avant de se lancer dans le menu de l'émission, deux décès à souligner, c'est incontournable et mentionné entre autres, mais principalement en fait Claire Bretécher, donc la créatrice d'Agrippine et des Frustrés, qui est décédée. Donc ça a été annoncé par les éditions d'Argo le 11 février dernier. Elle est décédée à 79 ans. On rappelle que l'auteur avait participé à l'émergence de la bande dessinée adulte francophone Pilote en 1969. Elle a cofondé L'Écho des Savanes en 1972. Elle a collaboré aux principaux titres de presse jeunesse franco-belge dans les années 60, Record, Tintin, Spirou. J'ai mentionné Les Frustrés, j'ai mentionné Agrippine, on peut ajouter Gnangnan, on peut ajouter Cellulite. Donc vraiment, Bretécher a offert une galerie de personnages qui lui ont permis de s'attaquer à des sujets de société, à des thématiques dans envergure et également tout le volet sur la présence féminine aussi dans la sphère de la bande dessinée. Donc, bref, un décès d'une artiste majeure du médium qui est arrivé tout récemment. Et en parallèle, mentionnons aussi que les Églissons, Glénat ont annoncé le décès le 13 février d'Hubert Boulard, dit Hubert, lui âgé de 49 ans. Il était coloriste et scénariste, notamment l'auteur de 40 éléphants, Le legs de l'alchimiste, Les yeux verts, Miss Patouche, et ainsi que Petit, donc premier tome de la série Les ogres dieux, et également série Beauté, qui avait été sélectionnée au Festival international de bande dessinée d'Angoulême. Alors voilà donc deux décès récents, donc Claire Bretécher et Hubert. Alors, on ferme cette triste parenthèse et pour le menu de l'émission de cette semaine, notamment en deuxième partie, on va aller explorer un album qui s'appelle Spray. C'est de Cédric Lotte, un retour pour lui. En fait, Spray, un personnage qu'il avait créé en 1993 dans Iceberg. Un album, ça fait 38 ans qu'il n'avait pas offert de bande dessinée format album. Le dernier, c'était Atlantic City en 1981. Alors, on va jaser avec lui de cet album et de ce retour également vers la bande dessinée pour lui qui s'est impliqué dans plein d'autres médiums en parallèle, il faut dire, caricature, peinture, publicité et autres. Alors voilà, ce sera notre entrevue en deuxième moitié d'émission. Et pour se lancer, cette semaine, on a offert une carte blanche à l'un de nos libraires en résidence, Marco Duchesne. Bonjour Marco. Salut Raymond. Et Marco, en fait, évidemment, les cartes blanches, je le rappelle, essentiellement, je dis à des chroniqueurs, vous voulez venir parler à un moment donné de ce que vous voulez. Et tu me dis, oui, évidemment, puisque tu es là ce soir. Et parallèlement, tu me dis, j'aurais envie qu'on aborde la question de la reconnaissance de la bande dessinée, de la reconnaissance du médium qui, parfois, est difficile dans un contexte où il y a encore quand même beaucoup de préjugés face à la bande dessinée. C'est un long combat. Écoute, quand tu m'as offert cette carte blanche-là, je parcourais ma bibliothèque en me disant, qu'est-ce que je pourrais bien parler? Un personnage, une série, un album, un auteur? Et là, je suis tombé sur une partie de ma bibliothèque où, évidemment, je regroupe les ouvrages de référence et tout. Et je suis tombé sur un ouvrage que fait paraître les Beaux-Arts Magazine, qui, depuis quelques années, font paraître de jolis livres d'art sur la BD. Les exemples, les 100 meilleures cases de la BD. Ou après, ils ont publié les 100 meilleures planches de la BD. Et tout récemment, les 100 maîtres de la BD. Et là, j'ai comme eu un flashback de 30 ans de carrière parce que ça fait déjà 30 ans que je suis libraire chez Pantoute et que je m'occupe de la BD. Mais bon, évidemment, ça fait 50 ans que j'en lis. Mais avoir cet objet, ce livre d'art sur la BD, de considérer un auteur comme un maître d'art, j'ai réalisé qu'il y avait très peu de livres d'art qui reconnaissaient la BD comme un art. Que la majorité de la reconnaissance que la BD a toujours voulu avoir est toujours passée par la littérature. C'est fascinant quand même. Tu sais, si je me rappelle bien, tu mentionnais Bretécher qui a fait partie d'un courant d'auteurs européens qui, à la fin des années 60, désirait faire de la BD pour adultes, et là, Et là, c'était vraiment pour être reconnu comme, écoute, la BD, c'est pas seulement que pour la jeunesse, parce que là, ça faisait déjà 55, 60 ans depuis sa création, fin 19e, début 20e, que la BD s'adressait à des enfants, s'adressait à la jeunesse, qu'on avait des publications, on avait même fait des lois sur les publications de jeunesse s'appliquaient sur la BD. Et là, dans la fin 60, arrivent ces auteurs, Fred, arrive Bretécher, et tous ces gens qui font des magazines et qui veulent s'adresser à des adultes, parce que le lectorat est évidemment vieilli, et s'adresse à des adultes, mais veulent raconter des trucs d'adultes, ce qui fait que là, on veut... Déjà, se pointe une espèce de volonté de vouloir être reconnu comme un art à part entière, c'est-à-dire un art qui s'adresse, qui n'est pas... ce qu'il avait toujours été, c'est-à-dire des publications jeunesse. Et ça, c'est... Et ironiquement, c'est un préjugé qui est encore tenace aujourd'hui, d'ailleurs, en moins, fait, en partie, mais... Moins, beaucoup moins. Ça, c'est vrai qu'on a fait... Parce que, écoute, en 30 ans, j'en ai fait des ateliers dans les écoles et tout. Là, je peux te dire qu'on a fait du chemin en maudit, là. Et ça n'a pas l'avion comme on a fait du... Et là, tu sais, arrive ça, puis même fin 60, début 70, là, émerge... Non seulement ça, la BD est comme étant s'adresser à des adultes, mais on commence à y réfléchir sur la BD. Et là, on voit poindre dans les années 70, début 80, des magazines qui traitent de la BD. Et là, je te parle pas de magazines qui fait de la prépublication. Je te parle de magazines comme les Cahiers de la BD. Où on analyse, on décortique. Où là, des gens comme Thierry Grunstein, comme Benoît Peters, comme Soldoren, je me rappelle plus de son prénom, écrit des articles sur la BD, sur les codes. On commence à réfléchir à qu'est-ce que la BD. Et déjà là, c'est vouloir être reconnu comme là, officiellement un art. Et là... Oui, parce qu'on reproduit un peu le schéma des publications savantes à travers ça. On fait tout même cesser des publications savantes. Dans la parce que dès qu'on réfléchit et qu'on y met des codes, on veut être... C'est ça, on est un art, parce que étant établi être un art, c'est qu'on a... Et là, on peut réfléchir, on peut l'enseigner, on peut disséquer, on peut faire des... on peut rentrer à l'université et faire des thèses de doctorat, des thèses de et tout. Et là, effectivement, on a gagné nos épaulettes. On est devenu le 9e art reconnu. Mais c'est drôle parce que tu sais quel art est le 8e? Le cinéma? Ça, c'est le 7e. Le 7e, c'est vrai. Le 8e, c'est... Le 8e, c'est la télévision. Et la télévision est beaucoup plus jeune que la... Et tu vois là, comment ça a pris de temps. Les préjugés ont été difficiles. On a donné officiellement le 8e art à la télé. Avant la bande dessinée. Même si la BD elle-même existait. Bon, c'est fascinant, ça. Oui. Et là, arrivent les années 80 et c'est là que entre en jeu la littérature. C'est la littérature comme passer par la bande, passer par l'entrée de derrière pour pouvoir être reconnu. Et là, on arrive avec Tardy, qui a joué un rôle majeur dans cette démarche de reconnaissance. Tardy arrive avec Ici même, un album prépublié dans la Suive, un album qui va être révolutionnaire parce que de un, il s'adresse à des adultes, c'est un album pour adultes, de deux, il est en noir et blanc, et de trois, il dépasse les 48 pages, c'est un album de 120 quelques pages. Si ma mémoire est bonne, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, là. Mais alors là, pour la première fois, un album est devenu quelque chose, une pièce, presque, et là, aujourd'hui, le mot nous vient facilement à l'esprit, un roman graphique. Chose qu'avait faite Esner avec The Contract with God, son contrat avec Dieu, quand il a publié la chose. Et là, il a fait, ah, ceci est un roman graphique du côté anglophone. Mais ici, on n'avait même pas encore donné ce nom-là, mais ici donc, même. On n'avait pas nécessairement besoin, parenthèse, de le donner non plus, parce qu'aux États-Unis, le mot comics, c'était vraiment dans un genre très, très particulier, voilà. Les super-héros. Le roman graphique est venu nécessaire pour distinguer les deux. Tandis que du côté franco-belge, c'est le support, dans le fond, au bout du compte, qui est nomenclatif. Quand on parle d'un album, c'est un format, c'est pas voilà. Un genre. C'est ça. Et là, c'est de ça qu'on a essayé de se départir. Et là, est arrivé une deuxième étape, c'est que ce même Tardy, Jacques Tardy, peu de temps après, les éditions Gallimard s'associent avec les éditions Futuropolis et décident de faire la publication de romans, de classiques, illustrés par des BDistes. Et le premier à sortir est Voyage au bout de la nuit de Céline, et c'est Tardy qui illustre le roman. Déjà, on voit, et là, on voit déjà l'association de on veut être reconnu. Et là, on va chercher des lettres de noblesse, ouais, où on peut, dans le fond. Jusqu'à temps que Tardy finisse par adapter un roman de Léo Mallet dans sa série Nestor Burma qui s'appelle 120 rue de la Gare. Et là, on adapte un roman, c'est-à-dire on va chercher un roman de la littérature, même si c'est du policier, c'est quand même reconnu. Le policier à cette époque-là, des années 80, déjà faisait partie de la littérature, même si c'est de genre. Et là, Tardy l'adapte, mais une sacrée adaptation. J'ai rarement vu une adaptation aussi méticuleuse. Et ce qu'il va donner, c'est... Et là, c'est comme l'entrée en matière de... Bon, voilà, là, passons par la littérature pour se faire reconnaître. Il va arriver les années 90 avec le format livre. Et là, le vocabulaire des jeunes auteurs des années 90, début 2000 vont être « Oui, je publie des livres et non plus de la BD. » Et là va entrer le terme « roman graphique » va faire son entrée. Et là, écoute, là, les intellectuels n'auront plus de se sentir coupables de lire de la BD. Et là, on va accentuer la chose, c'est-à-dire que... cette reconnaissance-là, il va y avoir des critiques, il va y avoir des chroniqueurs qui vont s'intéresser de plus en plus à la BD, là, c'est-à-dire qu'on va sortir du une fois par année, il y a un festival, et il va y avoir de plus en plus de festivals, même si celui de Québec est là depuis longtemps, et même si il va y avoir de plus en plus. Et là, on va se mettre à parler de BD pas rien qu'une fois par année, oui. Hein? Là, maintenant, il va y avoir des chroniqueurs qui vont... Et là, jusqu'à temps que tout le monde s'improvise chroniqueur, là, il suffit d'ouvrir sa Facebook et de s'intéresser un peu à un sujet, et là, on s'aperçoit que... C'est valide dans tous les genres, ça. Ouais, non, mais c'est ça, là, mais parce que moi, c'est surtout ça mon fil d'actualité, qu'on appelle. Oui. C'est surtout ça, moi, à laquelle je suis abonné. Là, les autres choses, je ne regarde pas, mais je regarde surtout ça. Et là, on voit que, tu sais, et à force de cette reconnaissance-là, à force de pousser la chose, évidemment, là, plus tu as de points de vue, mais ma réflexion vient, est-ce qu'on la dilue pas? C'est-à-dire que à un moment donné, et là, si on dit plus de festivals, si on dit plus d'événements, si on dit plus de chroniqueurs et tout, arrivent les récompenses. Ça, c'est important pour un genre, ça, d'arriver dans un événement et d'y avoir des récompenses qui fait en sorte, tu dis, ah, ça, c'est la reconnaissance de toute une année pour un genre, pour un auteur, pour... et là... Et les prix s'accumulent. Et les prix s'accumulent, mais il faut aller à l'intérieur du prix, tu sais... T'en sais quelque chose, tu fais partie de quelques prix. Moi-même, en BD, je suis jury de quelques prix aussi. Et là, il faut voir à l'intérieur comment, à un moment donné, tout ça joue un rôle. C'est-à-dire, on s'aperçoit, je me rappelle des premières années de certains prix où il n'était jamais question de Spirou, de Blake et Mortimer. Non, il était surtout question de romans graphiques. En fait, il y a des BD à prix. Là, ce que je veux dire, c'est à force de rechercher cette reconnaissance-là, il y a comme une perte qui se fait sur ce qu'est l'essence même du genre. Là, on parle BD, évidemment. Je sais pas pour les autres. Je me rappelle à une époque, quand je suis rentré libraire à chez Pantoute, je lisais beaucoup de romans policiers et il y a eu une mode. Et quand je dis une mode, ça a vraiment popé, romans policiers avec des auteurs. Puis peut-être que là, à l'intérieur du genre, je connais pas comme la BD, je connais pas, mais peut-être qu'ils ont vécu les mêmes choses parce qu'il y a eu beaucoup de festivals de romans policiers, il y a eu beaucoup de prix de romans policiers et tout. Mais il y a une distinction quand même à faire dans la mesure où le roman policier reste un genre littéraire, va être aussi dans les événements, les festivals littéraires, mais un événement littéraire, c'est pas acquis qu'il va nécessairement intégrer la bande dessinée. Dans le fond, voilà. La BD a ses propres événements, la littérature a ses événements, la littérature parfois va choisir d'amener la BD, mais parfois non. Et parfois, on va l'amener simplement pour le volet jeunesse aussi. Ben c'est ça, en fait. Et c'est ça qui est la spécificité de la BD, et c'est toi qui me racontais, hors d'onde, plus tôt, certains prix BD oscillent entre la littérature et la jeunesse. Oui, mais dans les programmes de financement aussi. Voilà, dans le fond, on le voit bien, dans la mesure où certains programmes vont être plus du côté de la littérature pour le financement, mais dans d'autres sphères, ça va être les arts visuels qui vont déterminer les prix, ben pas les prix, mais les financements, les subventions. C'est comme si, qu'à force de diluer la chose, on finissait par oublier ou mettre de côté la spécificité de ce qu'est la BD, parce que en fait, c'est ça, la BD, c'est quand même du texte et de l'image ensemble, mis avec des codes, et on essaye d'appliquer des grilles de l'un et de l'autre, de la littérature et de l'art visuel, et on se ramasse là, il n'y a pas de texte dans celui-là, ok, c'est de l'art visuel, t'sais, ça c'est un roman illustré, c'est pas un roman graphique, ah oui, ok, en littérature, bref, on a gagné beaucoup de chemin, comme je te disais, après 30 ans de carrière, t'sais, la BD pour moi a toujours été ma compagne. Même si Pantoute est ma maîtresse, la BD est plus ma compagne de vie. Et effectivement, je l'ai vu, le changement au fil des années, du combat de ça, là, même pour la BD jeunesse, même pour la BD jeunesse. Avant d'entrer dans les écoles, moi, mes ateliers, on me confiait les élèves. Et j'avais beau lui dire, c'est pas aux élèves qu'il faut que je présente de la BD. Ils le savent, qu'est-ce que c'est de la BD. C'est aux professeurs, aux bibliothécaires, et c'est à eux qu'il faut que je le présente. C'est encore le cas, dans le fond. Moi, j'ai passé mon secondaire, mettons, nonobstant le primaire, ou possiblement, en fait, qu'on m'avait mis à un moment donné dans les mains des BD, ça existait autour. Mais juste au secondaire, dans notre jeunesse, il n'y avait pas de bande dessinée au programme. On lisait pas des textes en littérature. C'était pas un genre qui était exploité parce qu'on allait vers, entre guillemets, de la vraie littérature. Donc, la BD est un peu laissée de côté. Il y a des gens qui travaillent actuellement pour essayer justement de développer des programmes et démontrer l'intérêt de la bande dessinée dans des cursus de formation. Écoute, c'est extraordinaire le chemin. Quand je te dis chemin, tu sais, je veux dire, dans les écoles, il y avait deux Garfield et trois Tintins qui vieillissaient tranquillement et qui s'écornaient, mais à travailler avec les bibliothécaires et les professeurs, maintenant, on fait rentrer de la bande dessinée, tu sais, je me rappelle les premiers commentaires, c'est « Ouais, mais ils vont toujours lire du Garfield. » Je dis « Oui, mais s'il y a rien à côté, ils vont toujours lire le Garfield. Mais si vous installez d'autres séries à côté du Garfield, ben, à un moment donné, ils vont switcher et c'est là que ça va se passer. Oui, et le bouche à oreille est extraordinaire, les kids, là. C'est extraordinaire. Et au point que, récemment, depuis un an et demi, deux ans, nous, on fait affaire avec le petit séminaire, là, qui est maintenant devenu le Collège François de Laval. Voilà, le Collège François de Laval. Mais au programme des livres que nous, on tient pour les étudiants bien chercher, ben il y a un ou deux professeurs qui mettent de la BD. On a au programme Astérix, Gladiateur, pour je sais pas quel aspect, peut-être historique, peut-être littéraire, je ne sais pas. Mais soudainement, les étudiants, les ados, les kids ont à lire de la BD à l'école. Et dans le contexte d'un cursus où on va lire du Molière, où on va lire d'autres types de textes aussi, mais que la BD soit mise dans cette gamme-là, soit un outil d'enseignement, autant qu'une approche ou une manière ou un médium, dans le fond, qui va aller rejoindre différemment aussi certains gens. Oui, puis, tu sais, et ce progrès-là, on le voit, c'est depuis combien de temps? Hall a son programme de bande dessinée. Ils ont fêté leurs 15 ans, 10 ans. Écoute, un programme pour les artistes, là, pour un programme qui, moi, je trouve ça extraordinaire. Et Dieu sait que je suis pas, je me tenais pas au courant de ce qui se passe, mais dans n'importe quel programme de littérature ou d'art, il doit y avoir des thèses qui se sont tenues sur des BDistes, peut-être. Pas nécessairement tant que ça. J'ai pas l'impression, mais ça dépend toujours aussi de la BD, entre la BD européenne et la BD québécoise. J'imagine qu'on est rendu à des étapes différentes aussi dans l'analyse, dans l'appropriation. En BD québécoise, j'ai l'impression à certains égards, puis dans les ouvrages, à tout le moins, qui sont rendus disponibles en circulation, on est plus dans l'inventaire. Donc, dans savoir c'est quoi la production québécoise, ouais. Qu'est-ce qui a été fait quand, en lien avec l'histoire et le reste. Mais dans le fond, l'analyse plus précise d'un genre, d'un auteur, mais c'est en progression. Et c'est à travers ça aussi qu'on valide, évidemment, et qu'on revient un peu à nos cahiers de la BD de tantôt, qu'on va chercher une certaine reconnaissance par le biais de l'académique, où on définit les codes, où on analyse comment les auteurs les exploitent, les développent, et où, dans un cadre géographique comme le Québec, ben on vient à valiser et valider aussi le fait que le médium a une histoire, une évolution, une influence, un mais impact, on commence, il commence à y en avoir de ces ouvrages-là. Oui. Je pense à... Ben, du Chien d'or dans le printemps de Sylvain Lemay, si on va dans les collections mémoires ou autres. Ouais, mais le prochain attendu, Mira Falardeau, qui nous fait un bouquin sur la BD moderne, actuelle, au Québec. Ou Michel Viau avec ses inventaires aussi, beaucoup de travail, les années Crow. Il commence à avoir des éléments où on met en perspective un peu des jalons importants de la BD, surtout années 70-80 et un peu avant aussi, évidemment. Mais avec la production et ça, l'aspect québécois, évidemment, avec la production qu'on a maintenant, avec ces éditeurs qui prennent des risques, parce que c'est toujours un risque, la BD, là, on le sait, même européen, je dis, il y a encore un article qui circulait sur Facebook, sur la production de BD, là, qu'est-ce que ça coûtait, puis la masse, la surproduction et tout. Là. T'sais, et même pour les auteurs, cette reconnaissance-là, t'sais, je veux dire, on pourrait en parler, mais t'sais, moi, ça a toujours été depuis que je m'intéresse à la BD, que je fais carrière là-dedans. Et c'est pas juste les artistes de BD, c'est les artistes tout court. Notre société s'occupe mal de ces artistes, c'est-à-dire elle les traite d'une façon, tu sais, le système capitaliste ne tient aucunement compte des artistes, là, les méprise, et ça c'est tellement triste, tu sais, seul chez lui, un artiste, un romancier, un sculpteur, un peintre est assis, doit produire de lui-même ses trucs, après essayer de le vendre et après en retirer quelque chose. Oui, dans un contexte où, en plus, au niveau, quand on parle des supports étatiques, ben on est dans une dictature de la nouveauté. En fait, on peut pas faire vivre des œuvres, sauf exception, sur la durée. On est toujours dans un financement, au bout du compte, par projet, qui nécessite les artistes de toujours perpétuellement avoir du nouveau et qui amène aussi, ben j'imagine, pour si on parle de littérature, ben si on est toujours dans la nouveauté aussi chez les éditeurs, c'est et le reste, ben, on est dans un cycle où un livre va passer quelques semaines sur les étals en vedette à tout le monde. Quand on voyait la surproduction, le fameux article sur la surproduction, il faut être un libraire pour voir la conséquence de ça. Pas juste libraire, mais ce que je veux dire, le libraire, nous, on le voit, là, c'est-à-dire, tu sais, il sort, je sais pas combien de titres par année, et les distributeurs et diffuseurs, tu sais, choisissent le temps pour choisir, tu sais, personne sort de titre en été, et tout le monde sort le titre 3 semaines avant Noël, pour pouvoir avoir, mais si tout le monde sort ça avant Noël, l'exposition de nouveaux titres, il dure pas, là. Ça devient un choix que tu as à faire, savoir si tu exposes tel titre, mais à un moment donné, dans la production, il y a de bons titres, mais tu es obligé de se faire le sacrifice de ça. Et c'est peut-être là que vient justement aussi l'importance pour la bande dessinée d'avoir une reconnaissance dans la sphère littéraire, parce que la mise en valeur actuellement de la bande dessinée va se faire dans des boutiques littéraires, dans des librairies, chez des libraires. Donc, nécessairement, la bande dessinée doit aller séduire les critiques, les journalistes intéressés par le médium littéraire et donc justifier aussi son côté littéraire, quitte à mettre de côté un peu ce qui l'aspect fait que... L'aspect livre. En fait, exact, c'est ça, l'aspect là. L'aspect livre. Ah oui, c'est intéressant, ça. Effectivement, cet aspect-là, effectivement, si la BD se démarque par le visuel et par l'histoire un peu plus littéraire, mais effectivement, en tant que produit, on y échappe. Tu me fais penser là, et on y échappe pas. La BD est un livre et c'est pour ça qu'elle doit être associée à la littérature. Dans la compétition pour l'attention. Je savais que j'avais bien fait de t'en parler, Raymond. Mon brainstorm, en fait, au bout du compte, un peu pour essayer de comprendre, parce qu'effectivement, il y a une soif de reconnaissance. C'est pourquoi on va moins vers les arts visuels, mais parce qu'on est moins dans une logique, en fait, de... C'est pas la même logique commerciale, disons-le comme ça. Effectivement, oui. Par contre, mais faites-vous plaisir. Si j'avais tout ça, le combat continue et on va continuer à lutter pour faire reconnaître la BD. Mais faites-vous un cadeau. C'est la Saint-Valentin, là. Faites-vous un cadeau. Les trois titres aux éditions Beaux-Arts Magazine, ça vaut vraiment la peine. C'est de jolis ouvrages. Au-delà du fait qu'il y a des auteurs qui dirigent et qui font un choix. Et ils nous disent, c'est subjectif le choix, là. C'est pas objectif, là. C'est les 100 plus belles cases. Jouez au jeu de et moi, si j'avais une case à choisir, et si j'avais une planche à choisir, une page à choisir, lequel serait? Ou même juste de prendre le réflexe de le décoder, dans le fond, parce que pour moi, il y a différentes approches de vitesse de lecture, mais pas quand on lit pour l'aspect récit, bien, on lit à un certain rythme. On s'attarde à regarder l'agencement des pages, des cases, ça nous amène à un autre niveau, un autre regard, un autre rythme aussi. Sur la lecture, je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, on le voit, là, je veux dire, les albums... Les albums, on les lit pour l'histoire, puis on les lit souvent rapidement, mais... Ou pour l'ambiance, des fois. Ouais, mais... Et Dieu sait que on l'a prouvé grâce au club de lecture, ici, à La Vie en BD, notre club de lecture, où les quatre compères, avec le même album, arrivent à discuter et voir des choses absolument... c'est fascinant, là, de voir qu'est-ce qu'on... Donc, effectivement, là, c'est prendre le temps de... Prendre le temps de lire et de regarder son album préféré, mais sous les aspects spécifiques du genre qu'il représente, c'est-à-dire la bande dessinée. Exact. Aller au-delà du récit, dans la composition, l'organisation visuelle du récit, parce qu'au bout du compte, c'est... Et il y a quelques ouvrages, je parlais des beaux, tu sais, mais si un ouvrage à lire qui réfléchit sur un album... Je vous conseille un truc qui s'appelle Les bijoux ravis. Les bijoux ravis, c'est écrit par Benoît Peters. Benoît Peters, pour faire vite, est un spécialiste de Hergé. En fait, Benoît Peters a été l'étudiant de Roland Barthes, grand penseur de sémiologie, d'études littéraires et tout. Il a été son étudiant et une de ses thèses à Benoît Peters était sur Hergé. Donc, un jour, il a pris l'album Les bijoux de la Castafiore. Et il l'a analysé case par case. Donc, Les bijoux ravis, c'est ça. C'est Les bijoux de la Castafiore analysés case par case. Où là, Benoît Peters s'amuse à nous montrer comment chaque case qui interagit avec l'autre, avec qu'est-ce qu'elle montre, comment l'histoire, comment les personnages, et tout ça avec... C'est d'une grande intelligence parce que les éditions Moulinsart qui ont les droits sur les Hergé, c'est Tintin, n'ont pas donné droit à Benoît Peters d'utiliser de cases. Donc, faut se munir de l'album, mais à la limite, on n'en a pas besoin. Benoît Peters arrive à décrire parfaitement. Exemple, dans la première case, Benoît Peters décrit la première case. Si on se rappelle bien, Tintin, Haddock se promène dans le champ et il y a un arbre. La case est un peu en long. Et en haut de l'arbre, il y a la pie qui, elle, va être la clé de toute l'histoire. Dans la première case, on nous la donne. On s'en fout qu'Hergé y ait pensé ou pas. Peters, lui, il l'a vu et il la met en jeu. Il la met en scène. Et juste ça. Et le reste, c'est un petit plaisir à lire. Alors, quelques suggestions de lecture autour de cette question, donc, de reconnaissance du genre de la bande dessinée. Comment, ben, la développer, la pousser plus loin? Devrait-on la pousser du côté littéraire, du côté art visuel? Comme la BD en tant que telle, comme un genre à part entière, en fait, qui dépend pas de l'un ou de l'autre. Dans le contexte économique actuel, est-ce que c'est possible de ne pas dépendre de l'un ou de l'autre aussi? Donc, bref, quand même beaucoup de questions. Dès qu'on ouvre un peu, j'ai l'impression que c'est un peu une boîte de Pandore, dans laquelle on invite les gens à se plonger. Et il continue à discuter dans le salon. Exact. Et sûrement un débat qu'on ne fermera pas ici aujourd'hui. Marco Duchesne, merci. Plaisir. À très bientôt. Et nous, ben, on prend une courte pause, toujours ici sur les ondes du 89.1, La vie en BD. Écoute de la vie en BD. Encore une fois cette semaine, c'est la formation Trash 80 qui nous accompagne. Cette fois-ci, leur album Teia. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les émissions en balado diffusion sur laviebd.wordpress.com. On vous invite également à nous suivre sur Facebook, facebook.com/laviebd. Alors, on poursuit un peu, et généralement, en fait, début d'année 2020, dans ce cas-ci, comme ça a été le cas pour les 8 années précédentes, on commence notre année en rattrapage de sorties automnales, d'éléments qui sont arrivés et qu'on avait envie de vous parler. Et c'est le cas, donc, d'une bande dessinée qui nous est arrivée du côté de chez les éditions Mosquito. Ça s'appelle Spray, c'est de Cédric Lotte. L'auteur est avec nous au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, ben d'emblée, en fait, ça faisait un bout de temps, 38 ans, en fait, qu'on vous avait pas vu en format album, donc depuis la sortie d'Atlantic City. Qu'est-ce qui vous a peut-être... Bon, en fait, Spree lui-même était apparu en 93 dans les pages d'Iceberg. Donc, c'est un retour vers le médium et une réappropriation d'un personnage que vous aviez déjà mis en place dans le passé. Oui, en effet, c'est exactement ça. Ben, en fait, moi, j'ai commencé vers les années 82... Et je suis allé aux éditions Humanoïdes Associés avec Metal Hurlant et tout ça. Et malheureusement, ça a été l'époque où tous les magazines ont fait faillite, Pilote, Metal Hurlant et tout ça. Donc je suis revenu ici, dans mon pays, et comme il n'y avait pas grand-chose, en tout cas, c'était surtout basé de la bande dessinée sur l'humour. Et tandis que moi, c'est beaucoup plus la nouvelle graphique, l'aventure. Donc, il n'y avait pas grand-chose. Alors, c'est évident que j'ai arrêté pendant de nombreuses années pour gagner ma vie. Et maintenant, je me suis remis là, depuis 2-3 ans. Et Spray, au départ, en fait, de ce que j'en ai compris, vous me direz, en 93, quand on l'avait amené dans Iceberg, il y avait toujours l'idée sous-jacente de l'exploiter, ce personnage-là, sous format album. Oui, tout à fait. C'est quand même un projet qui date d'une trentaine d'années, même. Et ce que je voulais en faire, c'était vraiment une série. Maintenant, j'ai tout redessiné parce que ce qui était dans Iceberg était en fait assez basique. Et maintenant, je l'ai redessiné deux fois, mais vraiment dans un autre univers, dans une autre texture, quelque chose d'un petit peu plus un peu plus dur. Au départ et encore aujourd'hui, puisque vous êtes revenu vers ce personnage-là, donc qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous accroche, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce personnage-là? En fait, moi, j'ai toujours aimé les histoires de jeunesse, les histoires de tout le monde de la jeunesse, ce côté un peu insouciant, et m'a toujours fasciné. Et ce personnage aussi représente beaucoup de ma vie, de ce que j'ai pu faire dans la vie, d'amis à moi qui ont vécu des choses assez semblables. Et excusez ma voix. C'est des thèmes aussi qui sont très très importants pour moi, des thèmes qui peuvent pas être plus d'actualité qu'aujourd'hui. Et ça, je l'ai fait vraiment sans vraiment m'en apercevoir. Ça s'est fait doucement, tranquillement, comme ça. Et ce sont justement les balises autobiographiques. J'imagine peut-être c'est entre autres un peu dans le côté. C'est un personnage en fait qui a un parcours assez difficile. Il subit beaucoup d'intimidation entre autres à l'intérieur de ce récit-là. Oui, ça c'est ma jeunesse. Je suis né ici au Québec, mais de parents français. C'est sûr que dans les années 60, j'ai eu la vie pas mal dure. C'était difficile pour moi, l'école et tout ça. J'ai même fini dans une école de réforme parce que je passais mon temps à me battre. Mais c'est pas tout. C'est comme Spray qui est élevé par des danseuses. C'est une vraie histoire. C'est quelqu'un que je connais qui a vraiment été élevé par ce genre d'univers. Mais c'est plein de passages aussi sur le suicide, sur l'environnement, sur comment la société a vraiment changé depuis des années. Et dans le contexte d'un Montréal qui est pas celui des offices de tourisme, si on peut dire, qui est un Montréal un peu plus je dirais pas dans les bas-fonds, mais on est un peu dans cet univers là, dans un Montréal qui est peut-être un peu plus glauque, dans lequel c'est parfois peut-être plus difficile aussi de voir la poésie, de trouver la beauté. Oui, tout à fait. Mais cette beauté-là, elle existe vraiment, parce que moi, je connais très bien Montréal. J'y ai habité souvent, longtemps. Et c'est des régions comme tout le pont Jacques-Cartier, c'est absolument extraordinaire comme environnement, le dessous du pont, le quartier gay, tout le port de Montréal. C'est extrêmement riche pour pour un dessinateur au point de vue graphisme, au point de vue couleur, parce que moi je travaille à l'aquarelle, je fais de la couleur directe. Alors c'est sûr que ça m'influence beaucoup comme univers. Et c'est un univers que vous connaissez aussi pour avoir déjà habité dans certains des secteurs dans lesquels vous nous amenez. Oui, tout à fait, exactement. J'y ai habité souvent, et ça m'a toujours fasciné. Il y a quand même une richesse architecturale assez fabuleuse dans Montréal qu'on voit pas tout le temps. Et moi, je voulais sortir un peu de ce qu'on connaît tout le temps de Montréal. Je voulais aller un peu plus dans le petit détail. Et donc, de ce que j'en comprends, c'est vraiment un peu ce moteur narratif-là, dans le fond, le personnage, l'univers dans lequel il se trouve, qui est un peu votre point d'entrée vers cette histoire-là. Et ensuite, j'imagine que l'idée, c'est un peu de partir de ça et d'essayer de voir comment on peut la structurer ou la déstructurer, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de chaotique, d'organique et de chaotique qui ressort un peu de Spree. Ben, tout à fait. C'est l'idée... En fait, au départ, cette bande dessinée-là devait pas être dans le format actuel. Ça devait être à l'italienne, c'est-à-dire à l'horizontale, et d'avoir des pages avec beaucoup moins de cases. Parce que je suis un peu tanné de justement ce format-là où il y a trop de cases, où les gens ne regardent plus le dessin, ils font que lire et passent à travers des pages extrêmement rapidement. Et c'est pour ça que le texte voulait il voulait être sortir de ce qu'on connaît d'un scénario et d'aller vraiment par des thèmes, d'aller vraiment par des moments, puis c'est vraiment on est ailleurs, c'est un autre univers. Ça me tentait pas de refaire une bande dessinée pour pourquoi faire une bande dessinée, quoi. Oui, d'avoir quelque chose, en fait, d'avoir l'impression, de tenter d'apporter quelque chose de neuf un peu, ou d'apporter une touche plus personnelle dans la manière d'organiser, d'aborder le récit. Oui, tout à fait. Puis bon, ça reste une bande dessinée, mais c'est sûr que pour moi, il y a tout un univers sonore dans ma tête, et il y a tout un univers qui est très sensible, et c'est pour ça que j'ai essayé de faire des cases, faire des pages qui sont un petit peu déjantées et quelquefois peut-être dures à lire, mais de toute façon, il va y avoir, j'espère, il va y avoir une suite, et puis qui va peut-être être un petit peu moins rapide, ou parce que ce qui était important dans cet album-là pour moi, c'était de mettre en situation ce personnage-là, que les gens comprennent un peu d'où il vient et qu'est-ce qui va lui arriver. Et comment il se comporte, dans le fond, dans différents contextes? Vous parlez des danseuses tantôt, c'est un cas. À un moment donné, plus tard, on le retrouve justement sur un pont où il y a des suicidés. Par un autre moment, on le met en scène dans pratiquement une course-poursuite où la bande dessinée devient un peu façon film d'action. Donc, effectivement, c'est vraiment une série de contextes, une série d'épisodes. Il y a un côté un peu road movie, presque, derrière ça. Oui, tout à fait. Écoutez, moi, je l'ai bâti sans vraiment réfléchir. Ce qui était important pour moi, c'était d'évoluer autant graphiquement que au point de vue du scénario. C'était de pas trop me mettre de bâton dans les roues, c'est-à-dire de trop découper, de trop avoir de pages où c'est découpé comme dans un film. Je voulais pas ça. Et ce qui s'en vient va être peut-être un peu plus traditionnel, si on veut, mais il reste que on parle d'un univers qui est quand même assez glauque, assez difficile, et c'est pas évident de faire des scénarios, un découpage en tout cas traditionnel sur des scénarios comme ça. Et puis j'imagine qu'il y a un plaisir aussi, justement, dans le contexte où on construit ce personnage-là, dans le fond, où on va à la rencontre dans l'album de cet être-là, mais de le mettre dans différents contextes, ça permet aussi de voir un peu, de voir plusieurs facettes de sa personnalité, de le voir dans différents cas, de voir comment il réagit à ça, à ci, à ça. C'est exactement ça. C'est ce que je voulais. C'est exactement ça. Je suis pas un grand... Je suis plus un grand fanatique de la bande dessinée traditionnelle, c'est-à-dire verticale, avec un certain nombre de cases à l'intérieur. Je m'en vais beaucoup plus vers la nouvelle graphique. D'ailleurs, c'est ce que je faisais en 1980, c'était beaucoup plus une nouvelle graphique qu'une histoire traditionnelle. C'est important. Je suis toujours à la recherche, à la découverte. Là, je travaille sur le tome 2 et j'essaie toujours de me maintenir en dehors de ce qu'on connaît, qui est quelquefois ordinaire. Et pour arriver à cette posture-là, est-ce que c'est beaucoup d'essais-erreurs, justement, parce que pour trouver un peu la bonne manière d'amener, sans nécessairement, ben, justement, sans aller vers le convenu, en faisant éclater ou en trouvant, dans le fond, une bonne approche? Oui, tout à fait. Mais déjà, en partant, il faut se battre contre son éditeur, parce que on sait tous que le format à l'italienne, les libraires, en général, n'aiment pas trop ça, parce que ça sort du format, ça sort de... Des tablettes, et ils aiment pas être poignés avec ça, et pourtant c'est un format absolument extraordinaire. Moi, je veux que les gens reviennent à une lecture où ils prennent du temps à regarder l'image, à regarder le dessin, l'environnement, les détails, et qui sentent l'ambiance que j'essaie de donner dans les dessins. Puis sinon, c'est triste de voir à quelle vitesse on peut passer à travers un album. Oui, puis dans certains cas, justement, et c'est ces processus narratifs où on décrit enfin une action, il y a un peu une illustration, une ambiance à travers tout ça. Donc des fois, ça donne un peu l'impression, on a le texte d'un côté, bon, il y a le petit élément, mais beaucoup plus de place pour le dessin, pour le côté immersif, presque pour ressentir un peu l'état d'esprit dans lequel on devrait se trouver dans le contexte narratif qui est détaillé plus dans le détail, dans un encadré. Tout à fait, exactement. Et puis là, je travaille justement, j'essaie de faire un petit vidéo avec une base musicale et des effets, mais pas animés, mais quand même une espèce de bande-annonce qui va mettre un peu le ton, parce que ça reste que c'est que des dessins, malheureusement, on n'est pas... c'est pas du cinéma, c'est pas de l'animation, et il faut jouer avec ça, puis il faut essayer de recréer pour le lecteur l'univers dans lequel on s'était mis nous-mêmes. Oui, puis de l'amplifier aussi dans certains cas, parce que le côté glauque est magnifié parfois, par moment. Il y a des séquences qui sont un peu plus horrifiques, il y en a d'autres qui sont franchement plus poétiques aussi. Donc, ça reste, en fait, pour moi, Spray, il y a un côté un peu un jeu d'équilibriste là-dedans, où on passe parfois de manière assez radicale d'une ambiance à une autre. Oui, oui, c'est sûr. Mais pour moi, comme c'était important d'expliquer le personnage, d'où il vient. Il y a des dans le tome 2, je vais revenir à des environnements qui sont dans le numéro 1, dans le tome 1, parce que pour moi, c'est pas terminé. Il y a encore plein de choses à raconter, que ce soit avec les danseuses, avec les moteurs, avec l'ami de Spray qui est un caléchier à Montréal. Maintenant, il n'y en aura plus, mais bon. Et le jour pour les touristes, puis la nuit devient un espèce de super-héros sur la montagne avec son cheval. Et je vais revenir à tous ces moments-là, à tous ces environnements-là, à un moment donné, dans la suite. Et en terminant, vous avez mentionné, Cédric Lotte, vous travaillez, donc vous avez une préférence pour le papier, c'est dessiné surtout à l'aquarelle, au crayon, donc il y a un côté organique, matière qui est inspirant? Ah oui, tout à fait. Moi, sans ça, pour moi, c'est un privilège de savoir faire sa couleur, de savoir dessiner. C'est extraordinaire de pouvoir faire ça. Moi, les objets les plus importants dans ma vie, c'est mes crayons, mes plumes, mes pinceaux. C'est ce qui est le plus important. Et je me lève très tôt, moi, le matin. Je me fais mon petit café. À 6h, 7h, je suis déjà sur ma table à dessin, puis je travaille jusqu'à 8, 9h le soir. Pour moi, c'est plus qu'une drogue. Ce qui était peut-être plus difficile quand j'étais jeune, j'y voyais pas tout cet intérêt-là. Aujourd'hui, je le vois, je le sens, et j'ai beaucoup de bonheur à faire ça. Et ben, on le découvre donc avec ce premier Spray et d'autres qui s'en viennent, qui vont poursuivre un peu cette exploration de l'univers et dans le fond autour un peu, j'ai l'impression presque on s'amuse un peu à éclater aussi le mythe de l'Amérique dans le fond en allant vers d'autres aspects de cette mythologie-là qu'on s'est créé face à ces endroits qu'on habite aujourd'hui. Oh oui, tout à fait, ça c'est certain. C'est quand même un univers très très très riche. J'arrive d'Angoulême et au festival de BD où j'ai attrapé la grippe. Et je vois les tendances actuelles. C'est fou. Là. Je regarde juste l'univers du western en Europe. C'est hallucinant, tandis qu'ici, on en fait très peu, à part Monsieur la Montagne. C'est sûr qu'on a quand même beaucoup de chance d'avoir cet univers-là. Faut le voir, faut s'ouvrir les yeux, parce qu'il y a tellement de richesse ici qu'on devrait vraiment en profiter. Et j'imagine que pour vous, en fait, votre parcours de caricaturiste, de peintre, de concepteur publicitaire est venu aussi beaucoup nourrir le regard que vous portez sur la bande dessinée, sur votre médium de départ, puis sur la manière dont vous rattrapez ce médium-là maintenant. Ah oui, tout à fait. C'est juste, c'est vrai. J'ai jamais vraiment aimé la pub, mais j'étais comme je me débrouillais très bien. Donc c'est sûr qu'on y retrouve un peu de la pub, beaucoup même. Et puis quand j'étais au Devoir, j'étais caricaturiste dans les années fin 70. Et j'étais tanné de refaire toujours un nouveau dessin chaque jour. Ça devenait comme tout le travail que j'avais fait, ben, il n'existait plus le lendemain. Et c'est pour ça que je suis allé dans la bande dessinée où j'y ai vraiment trouvé tout un univers qui me plaisait beaucoup. Et moi, je suis un passionné aussi des dessinateurs anglais, britanniques. J'aime aussi beaucoup, beaucoup les illustrateurs français du début du siècle. Ça m'a toujours beaucoup inspiré. Oui, puis un côté, en fait, je pense que vous avez cité Will Eisner, entre autres, parmi des références. Ah oui. Oui, Will Eisner, mon rêve à moi, c'était de continuer son travail, parce que ce personnage-là m'a tellement touché. C'est le super-héros qui se fait dénigrer par ceux qui protègent. Et moi, j'adore ce personnage, j'adore l'univers, j'adore son album, Mon contrat avec Dieu. C'est tellement fascinant, c'est tellement beau. Et ce gars-là a vraiment, Will Eisner a vraiment su comment aller chercher toute la tristesse, la misère d'une ville. Et c'est toujours avec quand même énormément d'humour. Je trouve ça fabuleux. Et c'est quelque chose, justement, qu'on, en fait, si on joue des jeux de correspondance, j'ai l'impression que ce que vous venez de dire est en même temps des éléments qui ressortent aussi de Spray sur la ville, l'âme et le reste, mais il y a des correspondances claires, là. Ah oui, c'est certain. C'est certain. Même au point de vue du dessin, pour moi, il m'a toujours fasciné comme dessinateur. Aussi tout ce côté humoristique quand même est là. C'est pas toujours négatif, c'est pas toujours triste et méchant. Mais c'est ce que j'ai fait un peu dans ce prix. Il y a des moments rigolos, faut les lire. Il y a pas mal de textes, mais il y a des passages qui sont quand même assez drôles. On invite les gens donc à découvrir cette bande dessinée. Cédric Lotte, on vous laisse aller reposer votre voix. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là et à une prochaine. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre fabuleuse émission. Merci. Au revoir. Au revoir. Et je rappelle donc Cédric Lotte est l'auteur donc de cette bande dessinée. Ça s'appelle Spray. C'est du côté des éditions Mosquito si vous voulez la retracer. Vous êtes toujours à l'écoute de La vie en BD sur CKRL 89.1.